L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. C'est une gigantesque traînée de gaz chaud, véritable queue de galaxie, que le télescope Chandra X-ray Observatory vient de mettre en évidence au sein de l'amas de galaxies Tsuiki 8338. D'une longueur inégalée de 250 000 années-lumière, soit plus de deux fois le diamètre de notre galaxie. Cet extraordinaire ruban de gaz n'est visible qu'en rayon X du fait de sa très haute température, 10 millions de degrés. Les astrophysiciens pensent que cette structure étonnante serait produite par un phénomène de dépouillement du gaz de la galaxie lorsque cette dernière traverse le vaste nuage de gaz intergalactique très chaud. L'amas de galaxie Tsuiki 8338 se trouve à une distance de 700 millions d'années-lumière. Alors que le gaz intergalactique le peuplant a une température de près de 50 millions de degrés, la longue traînée observée, la plus grande de ce genre jamais vue, a une température plus faible de seulement entre guillemets 10 millions de degrés. Les chercheurs estiment que la grosse galaxie CGCG254021 a comme fendu le gaz intergalactique dans son mouvement au sein de l'amas, exerçant une forte pression sur son propre gaz interne et qui a fini par s'éjecter en grande partie. Gerrit Schellenberger, de l'Université de Bonn, auteur principal de l'étude parue dans Astronomy and Astrophysics, précise « Comme les amas de galaxies sont si énormes, il joue un rôle crucial pour la compréhension de l'évolution de l'univers. Pour comprendre au mieux les amas de galaxies, nous devons comprendre comment leurs galaxies évoluent. Et la découverte de telles grandes traînées de gaz chaud en rayon X nous fournit une donnée très utile. » Un point remarquable sur les images composites produites en associant les longueurs d'onde visibles et les rayons X et la présence d'un espace important entre la galaxie et le début de la queue de gaz, le plus grand du genre observé jusqu'à aujourd'hui. Cette séparation entre la galaxie et son gaz arraché pourrait indiquer que c'est en fait la totalité du gaz de la galaxie qui a été ainsi dispersée. Les astrophysiciens sont en outre parvenus à caractériser la traînée de gaz ainsi que ses interactions avec la galaxie CGCG254021. La queue montre ainsi une zone plus brillante que les chercheurs ont dénommée la tête. Le gaz dans cette tête apparaît légèrement plus froid et plus riche en éléments plus lourds que l'hélium. Et devant cette tête semble être présente une onde de choc similaire à une onde de choc supersonique, qui est suivie ensuite par la galaxie elle-même. Une étude indépendante fondée sur des observations en infrarouge de l'amas Tsuiki 8338 indique par ailleurs que CGCG254021 possède la plus grande masse de toutes les galaxies de l'amas, mais elle indique aussi, ce grâce à des modèles d'évolution galactique, que CGCG254021 a dû connaître jusque dans un passé récent le taux de formation d'étoiles le plus important de l'amas Tsuiki 8338. Cependant, la galaxie telle qu'observée aujourd'hui ne montre plus du tout de formation de nouvelles étoiles. Cette absence pourrait être simplement due à l'absence du gaz qui viendrait d'être arraché de la galaxie. La présence de cette traînée de gaz galactique donne un bel exemple des processus dynamiques qui peuvent avoir lieu au sein des amas de galaxies, où l'on peut désormais observer directement comment une galaxie se transforme au cours de ses interactions dans l'amas. Comme le remarque avec gourmandise Gerrit Schellenberger, la matière constituant la queue de CGCG254021 contient de l'hydrogène, mais aussi d'autres éléments, et pourra tout à fait produire une nouvelle génération d'étoiles à la dérive derrière la galaxie qui aurait dû les voir naître et qui pourrait en former à terme une belle extension. L'article de Gerrit Schellenberger et son collègue, est paru dans Astronomy and Astrophysics numéro 583 en date de novembre 2015. Il s'intitule très simplement The Long X-ray Tail in Tsuki 8338. Ouais, je dis en français quoi. Les chiffres. Hein, les chiffres. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast en téléchargement et en abonnement sur podcloud.fr, bien évidemment, ainsi que sur iTunes. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre. Allez, salut !